Mag. Toute l'actu en Touraine sur Radioactive. Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure du Mag d'actu sur Radioactive. Et on referme aujourd'hui notre retour sur la quinzaine du livre jeunesse qui s'est tenue le 4 février dernier. Après avoir donné la parole aux acteurs de la médiation, de l'édition et de la transmission, place cette fois à la création. Pour ce dernier volet, on échange avec Clémence Paulet, illustratrice aux éditions Onkfe. Elle était présente lors de cette journée pour une séance de dédicace de ses albums, mais aussi pour proposer au public un atelier créatif autour d'une fresque participative, un moment de partage et d'imaginaire collectif. Donc nous avons le plaisir à présent de recevoir Clémence Paulet au micro de Radioactive. Clémence est illustratrice jeunesse de talent. Alors Clémence, diplômée de l'école Estienne à Paris, vous avez poursuivi une formation à la Haute École des Arts du Rhin à Strasbourg. Oui. Et puis vous avez également étudié à l'Académie des Beaux-Arts de Boulogne en Italie, une expérience qui a priori reste gravée dans votre mémoire. Oui, à Boulogne, oui. Vous explorez de nombreuses techniques, le dessin, le découpage, la gravure, la peinture, et vous expérimentez à chaque album, vous appréhendez pas mal de disciplines. Vous avez été récompensé à plusieurs reprises. Il y en a plein de choses à dire sur vous, dis donc. Et votre univers, il séduit aussi bien les enfants que les adultes. Vous avez été très inspirante pour l'équipe de Livre Passerelle et toute l'organisation de cette belle journée, puisque vous avez sans doute eu écho. Il y a eu des ateliers d'écriture autour de votre ouvrage, Un air de trompette, donc aux éditions Onkfe, un ouvrage qui a été très inspirant. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment c'est venu l'illustration jeunesse? Qu'est-ce qui vous a attiré vers ça? Maintenant, ça remonte à un certain temps, parce que mon premier livre, il est sorti en 2009. Je dirais, donc, après mon bac, j'ai fait toutes les études que vous avez mentionnées. Et rapidement, l'album jeunesse m'est apparu comme étant un objet hyper intéressant pour un artiste, en fait, parce que c'est un support merveilleux. On s'adresse à des enfants, mais pas que. Mmh. Et on est hyper libre. Et en tout cas, moi, je travaille avec des éditeurs qui me laissent hyper libre d'interpréter les textes comme j'ai envie graphiquement. Et je travaille avec plusieurs éditeurs. Donc, c'est ma maison chérie. On fait un livre par an à peu près. Et des projets très, très variés. Autant pour les bébés que pour les grands-enfants. Alors, on l'a dit, il y a de la gravure, du découpage, de la peinture, il y a plein de choses. Est-ce que parmi ces disciplines-là, il y en a une qui vous parle plus que les autres? Pas vraiment. Moi, j'aime bien changer. Donc, j'aime vraiment autant avoir un pinceau qu'une gouge dans la main, un crayon aussi, tout simplement. Non, j'ai besoin de me nourrir de tous ces outils pour créer. Un air de trompette, on l'a évoqué, cet album qui est mis à l'honneur sur cette quinzaine du livre jeunesse, notamment. Est-ce que vous pouvez nous le présenter un petit peu? Donc, c'est un album qui s'adresse à des grands petits lecteurs, on va dire, à partir de 7-8 ans jusqu'à... Il n'y a vraiment pas de limite d'âge après, même si, les images, les enfants peuvent tous les apprécier, même les plus jeunes. Mais en fait, il s'inspire d'une anecdote historique réelle, d'un quiproquo qui est revenu de la campagne d'Égypte. Là, on est au 19e siècle, au milieu du 19e, et on a donc récupéré un objet en forme de trompette. Donc, on a dit que c'était une trompette, et c'est un siècle plus tard, même encore plus... Plus d'un siècle plus tard, qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas une trompette. Pas du tout. Et entre-temps, l'objet avait inspiré Verdi pour un opéra. Donc là, on est plus tardivement dans le 19e. Et il avait fait créer des trompettes à partir de cet objet, alors qu'en fait, ça ne l'était pas. Donc c'est vraiment rigolo. Et les éditions Onkfe ont demandé à Gilles Baume, qui est auteur, d'écrire un texte autour de cette anecdote. Et donc autour de ce quiproquo, mais la trame dramaturgique s'étend sur uniquement 3 jours en fait dans l'album, donc c'est hyper drôle quoi. Il y a cet objet qui arrive dans la collection d'un conservateur de musée. Il n'a pas le temps de réfléchir et de faire les recherches nécessaires pour savoir ce que c'est. Il va établir, c'est une trompette et en fait non. Moi, je la connaissais, l'histoire, parce que je suis venue justement à un des ateliers d'écriture organisés par l'atelier Rire et Chanter. D'accord. Donc, qui est porté par Livre Passerelle, notamment. Oui. Et du coup, est-ce qu'il y a une fierté quand même de se dire que son ouvrage, il a inspiré plein de choses comme ça? C'est génial, moi, quand, Livre Passerelle m'a donc annoncé tout à l'heure qu'il y avait eu tout ça de fait. Alors, comme c'était vraiment une surprise, c'est génial. Surprise. Je ne savais pas génial. Du tout. Ah, non, c'est super. C'est exaltant. Et alors, pour en revenir justement à cette quinzaine du livre jeunesse, qu'est-ce que vous aimez le plus dans ces ateliers de dédicace? C'est le contact avec le public, j'imagine? Oui, donc les dédicaces, là, c'est vrai que je n'ai pas encore commencé à les faire. Mais oui, c'est l'atelier, en fait. Je conçois un atelier. Là, c'est un atelier collectif. On fait une grande fresque, voilà, tous ensemble. Et ce que j'aime bien, c'est que les participants, les enfants les plus grands, font une petite chose et qui, en fait, participent à un grand travail, ouais, collectif. Et c'est le résultat final. Et là, ça se construit. La fresque, elle est en train de se construire. Et c'est chouette. Enfin, on ne se rend pas forcément compte de ce qu'on fait, en fait. Et on ne s'en rend compte qu'à la fin. Tout à l'heure, Loïc, donc des éditions Onfay, Loïc était avec nous et je lui ai posé cette question, ainsi qu'à Dominique de Livre Passerelle. Je vais vous poser la même, Clémence. C'est quoi votre premier souvenir de lecture ? Alors, peut-être que les photos sont trompeuses parce que j'ai plein de photos de moi et de mes sœurs le soir, en fait, avec un de nos parents en train de nous raconter une histoire, quoi. Mmh. Donc, après, est-ce que j'ai des vrais souvenirs C'est pas une question facile. Ouais, parce que si, j'ai quand même des sensations qui me reviennent. Il y a des images que je vois de livres que j'ai lus, qu'on m'a lus quand j'étais petite, qui suscitent des émotions très, très spéciales, quoi. À la fois cette image, on l'a vue et revue, en même temps ça appartient à un passé, donc oui, en tout cas c'est ces moments-là quand même, la lecture, enfin moi voilà, on m'a lu des livres quand j'étais petite, mes parents m'ont lu des livres quand j'étais petite. Et alors s'il y a des parents qui nous écoutent là, vous auriez un message à leur faire passer? Et bien de lire des livres à leurs enfants et que leurs enfants un peu plus grands leur lisent des livres aussi. Ce qui est chouette, c'est que ce soit une passerelle, le livre, c'est le projet de l'association, mais vraiment, et que ce soit pas que dans un sens, c'est bien dans tous les sens. Même le bébé, parfois, on n'a pas besoin de lire, on feuillette et on peut laisser son bébé tourner les pages. Et en tout cas, moi, c'est ce que je fais là avec le mien. Moi, au moment, je m'arrête de parler et c'est lui qui tourne les pages. C'est pas grave s'il commence par la fin. C'est pas grave s'il mange le coin du livre. L'objet dans les mains. Quoi. C'est ça, un objet, puis un moment ensemble. Mm. Merci beaucoup, Clémence. Clémence Paulet, je rappelle que vous êtes illustratrice aux éditions Onfay. Merci d'avoir pris ce petit temps pour nous. On vous laisse retourner voir votre public. Hein. Voilà, c'est ça, finir la fresque. Merci. Merci. Merci à Clémence Paulet pour ce temps d'échange et pour cette présence sensible et créative lors de la quinzaine du livre Jeunesse. Entre les albums, les rencontres et cette fresque participative imaginée avec le public, c'est toute la richesse de la création jeunesse qui s'est exprimée ce 4 février. Un beau point final à cette série de mags consacrée à l'événement et une belle manière de rappeler que le livre Jeunesse se vit aussi comme une expérience collective, vivante et accessible à toutes et tous. C'est la fin de ce mag, rendez-vous dès demain à 18h pour une nouvelle édition. Retrouvez le mag et toutes vos émissions préférées sur radioactivefm.fr.